Bonsoir les amateurs de musique électronique, vous êtes à la bonne adresse sur Vibration. Voici une nouvelle livrée de Milky Waves. Ce soir toujours le Raph au micro et Dr Peppers qu'on avait pu entendre depuis quelques mois maintenant. C'est bien Dr Peppers qui va rythmer notre belle soirée de 21 à 22h. Alors sans plus attendre, le premier morceau de la sélection de Dr Peppers. Il s'agit de Alessandro Diga sous le label Perspective Digital. Le titre End of This Road et c'est un Mark Popke remix. C'est parti. This is Milky Waves, hosted by Raph, with on the decks Dr Peppers. We'll be right back. Vous écoutez Milky Waves, épisode 25, mixé par Dr. Peppers. C'était Alessandro Diga avec End of This Road. Le prochain morceau, sous le label londonien Low Beat Records. Il s'agit de Marcelo Vasami, qu'on a déjà eu l'occasion d'entendre sur Milky Waves, grâce à Dr. Peppers, et que nous allons réentendre ce soir d'ailleurs. Le titre, c'est Every Night, et c'est un remix Scotty S. Dark Dub. C'est parti! This is Milky Waves on Vibration.fm, 107.2 in Brussels. We'll be right back. Waves. C'était Marcello Vasami avec Every Night. Le prochain morceau nous provient de l'artiste Giorgio Chioris. C'est remixé par le DJ et compositeur anglais Dale Middleton et le titre c'est District. Thank you. This is Milky Waves, hosted by Raf, with on the decks, Dr. Peppers. Voilà, nous venons d'écouter Giorgio Chioris avec District, et c'était un Dean Middleton remix. Voilà, et comme promis, nous retrouvons Marcello Vasami, notre compositeur et DJ de Buenos Aires. Cette fois-ci, le titre, c'est Zeit, Z-E-I-T, et c'est un original mix. Milky Way. This is Milky Waves on Vibration.fm 107.2 in Brussels. C'était Zeit de Marcello Vasami qu'on retrouvait avec grand plaisir. Toujours sur Vibration avec Dr Pepper Soplatine et le Raph au micro. Vibration 107.2 Bruxelles ou Vibration.fm évidemment. Le prochain titre de la sélection de Dr Peppers, c'est Chords from the Heart. Et l'artiste, c'est Casse Vaughn. Casse Vaughn, c'est le petit frère de Joris Vaughn, le DJ hollandais bien connu. Allez, on découvre ça. We'll be right back. c'était Chords from the Heart de Cassie Vaughan. Le prochain morceau de la sélection de Dr Peppers, c'est Book of Shade. Le titre, c'est Love Drug et c'est remixé par le trio d'enfer des Beyond Space qu'on aime beaucoup ici à Milky Waves. Il s'agit de Groove Jesus, Jason Heat et Banish. Banish que l'on retrouvera la semaine prochaine au platine de Milky Waves. Thank you. dirty to some of me. Nous venons d'écouter Bookie Shade avec Love Drug et c'était remixé par Beyond Space. On passe tout de suite à Fefo and Verve sous le label Future Form Music. Le titre c'est Montagna et c'est un remix Soulwork. On écoute ça. This is Milky Waves on Vibration.fm 107.2 in Brussels. C'était Fefo and Verve avec Montagna, un Soulwork remix. Le prochain morceau de la sélection de Dr. Peppers que nous allons découvrir tout de suite, c'est Scotty A. Le titre, c'est The Way She Smiles. C'est un Lonia remix, tout ça sous le label Proton Remix. Un label tiré d'une radio russe, Radio Proton. Voilà. C'est Scotty A avec The Way She Smiles, un Lonia remix. On passe à Lokai sous le label Visceral. Label Visceral qui a quelques bons artistes sous le coude. Le titre c'est The Native Language et c'est un Inkfish remix. C'était Lokai avec The Native Language and Inkfish Remix. Le prochain et dernier déjà, dernier morceau de la sélection de Dr Peppers, il s'agit de Twardowski. On le connaît bien, on a fait toute une émission rien que sur lui, il y a quelques mois de ça. Le titre de ce soir c'est Behind the Universe et c'est un original mix. C'est parti! We'll be right back. l'écoute Tvardovsky et Behind the Universe pour clôturer cette belle émission de dimanche. Il est malheureusement bientôt 22h, l'heure de nous quitter. Mais vous nous retrouvez sur Vibration dimanche prochain, bien entendu, pour une nouvelle édition de Milky Waves. Ce sera Banish qui va mixer cette bonne heure la semaine prochaine. Il me reste à vous souhaiter une bonne nuit et une excellente semaine. Bye bye.